Bonjour à tous, c'est Cargo Cult. On rempile Cargo Cult avec notre deuxième rendez-vous promis avec Suicide. C'est un petit peu une première de faire un coup double en chroniquant coup sur coup deux fois le même groupe. Je suis pas sûr que ça arrivera souvent. Mais là, il y a de quoi. Il y a plus que de quoi puisque, je le rappelle, on va parler du deuxième album de Suicide. Suicide qui paraît en 1980. Et ma foi, rappelons très très rapidement que le premier album de Suicide est déjà un disque absolument définitif, culte parmi les cultes, un album express hein, qui a été enregistré en 4 heures, un brûlot typiquement new-yorkais qu'on aura tout fait d'ailleurs d'auréoler comme le chef-d'œuvre de la dite No Wave. Un minimalisme absolu, une rage pas contenue du tout et une explosion proto-électronique qui va donner là finalement à une ribambelle de groupes par la suite, et même pas seulement des groupes mais des générations quoi. Et Suicide, premier album, est un disque quasiment insurpassable, on s'en rend compte après coup, et largement depuis 3 et presque 4 générations aujourd'hui, un album qui a plus de 40 ans. Et succéder à ce disque-là n'était carrément pas une mince affaire. Et finalement, Suicide va le faire. Et absolument divinement. C'est-à-dire que le deuxième album de Suicide, qui est finalement pas vraiment la continuation du premier. Enfin, il l'est en fait, et de manière un peu cryptée. On va s'amuser d'ailleurs à décoder comme ça un petit peu quelques signes, tant dans les titres que dans le design. Mais il est aussi en porte-à-faux avec ce qui était prêché auparavant. Il va être beaucoup plus finement produit, ici clairement électronique, dans l'air du temps, assurément, en tout cas moins en confrontation finalement avec l'époque. Mais en même temps suffisamment décalé pour créer le culte et de fait pas ramasser les lauriers immédiats qu'il aurait dû ramasser. Et ça, c'est une constance chez Suicide et donc chez leurs deux protagonistes, hein, je le répète, Alan Vega au chant, Martin Reeves aux machines, et qui vont jamais récolter les vrais succès qu'ils auraient dû avoir. Ils ont l'un comme l'autre, et c'est encore plus le cas d'Alan Vega dans sa carrière solo par la suite, eu finalement une reconnaissance, mais pas de succès. On a pas un classique aussi dans ces schémas de contre-culture rock, mais chez Suicide, tout comme chez ses membres en solo ou réunis, c'est encore plus le cas. Alors comment est-ce qu'il va voir le jour ce deuxième album Commençons par la pochette. C'est toujours un plaisir de commencer un disque par sa pochette, évidemment. Elle rappelle étonnamment le premier album, c'est-à-dire que dans une pochette semi-cryptique où on voit une traînée de sang qui coule lentement vers le siphon d'une baignoire, on se retrouve là avec une mise en abîme assez claire de l'acte du suicide. Alors encore un, j'ai envie de dire, parce que dans la pochette du premier album, et elle est restée célèbre, là on est sur une typographie qui évoque le suicide. On est sur une typographie relativement cradingue où vont se mêler effectivement de l'hémoglobine sale, mais par contre sur un fond immaculé blanc. Et on retrouve ce même genre d'atmosphère dans la pochette du deuxième album de Suicide. Mais alors avec des couleurs quasiment plus pastels, on est dans quelque chose qui est... Le sang est quasiment rose finalement. Et c'est très typique de ces peintures à l'aérographe des années 80 finalement. Tout compte fait, l'explication de cette pochette, elle est donnée sur le verso. Et cette fois-ci, on voit que l'origine de cet acte suicidaire, c'est en fait la lame de rasoir qui passe sur la fine jambe d'une femme qui s'épile donc dans la baignoire et qui, par inadvertance, s'entaille légèrement le mollet. Donc oui, le suicide n'en est pas un. Donc oui, c'est un fake, une joke. Et Suicide, qu'on pensait pas forcément capable de beaucoup d'humour, ou en tout cas d'un énième degré quasiment insaisissable pour la plupart de leurs auditeurs à l'époque, hein, Dixit, le premier album, qu'on écoutait in extenso et qu'on décrivait la semaine dernière, bah du coup va s'avérer un peu plus sardonique et clairement deuxième degré dans cet album-là. Retour un peu à l'album précédent, il va marquer l'Europe plus que les États-Unis, il va marquer l'Europe en fait avant les États-Unis. Et ça, c'est pas tout à fait nouveau chez pas mal d'artistes avant-gardistes américains. Et c'est plus encore le cas, d'ailleurs, dans l'univers du jazz ou dans l'univers de musique contemporaine, post-classique, dirons-nous, que dans les stricts champs du pop-rock. Mais quand bien même, dans ce champ-là, finalement, un des premiers fans, alors ça n'étonnera personne, et un des journalistes qui a le mieux soutenu à leur début Suicide, c'est Lester Banks. Lester Banks, c'est un journaliste important, on avait parlé notamment, on avait beaucoup parlé ici, quand on avait évoqué le Metal Machine Music de Lou Reed. Donc Lester Banks, fieffé journaliste, très grande plume au demeurant, fait découvrir Suicide à Kraftwerk, quand Ralph Hütter et Florian Schneider sont en tournée promotionnelle aux USA en 1978. À cette occasion-là, d'ailleurs, Lester Banks leur a fait une interview fleuve qui a assez marqué l'univers rock critique, dirions-nous. Mais trêve de parenthèse, allons sur l'anecdote, parce que celle-ci, elle est vraie, elle en dit long, c'est que Florian Schneider et Ralph Hütter découvrent Suicide par Lester Banks. Non seulement ils découvrent Suicide, mais ils tombent totalement amoureux du truc et ils embarquent immédiatement deux copies qu'ils demandent à Lester Banks. Donc il rapporte les deux Allemands chouchou de Kraftwerk Suicide, premier album en Allemagne, et en sont extrêmement prosélytes. Rumeur dira même qu'ils étaient jaloux du truc, sachant que alors l'un avait déjà accès à une électronique très haut de gamme, enfin si ce n'est la plus haut de gamme qu'on puisse imaginer. Et rappelons-le là quand même vite fait entre deux parenthèses, Suicide dans son premier disque utilise une boîte à rythme quasi pourrave, un orgue Farfisa et une chambre d'écho poussée à l'extrême. Et c'est tout. Bon, plus une production qui s'affine effectivement assez bien dans un mixage assez élaboré, mais fait quand même très très rapidement là, dans les studios de Red Star à l'époque où le disque a été produit en 77. Voilà. Et bon an mal an, Suicide devient culte, notamment propulsé par justement les primo bidouilleurs de synthèse. Kraftwerk en est un excellent exemple. Mais toute une génération va suivre le pas. Toute une génération va suivre le pas. Je pense aux Anglais, hein, alors les Soft Cell, Orchestral Manoeuvre in the Dark, Human League. Enfin, là, vous pouvez ajouter une lignée comme c'est pas permis. Et puis surtout, on va donner le pas comme ça à des générations de duos. Soft Cell, c'est un bon exemple. En Allemagne, je pense à DAF aussi. Et l'album qui va clairement mettre cette génération-là sur la sellette et faire donc de Suicide un groupe culte sur le culte, c'est finalement le deuxième album, c'est celui qu'on va découvrir aujourd'hui. 1980. Donc 3 ans après l'acte originel. C'est à la fois très peu et c'est beaucoup. En 3 ans, l'époque a changé. L'époque est fastueuse d'ailleurs. Elle est fastueuse pour Alan Vega et Martin Rev. La même année, ils vont chacun signer leur album solo. Et pour Alan Vega, ça va être finalement le starter d'une carrière extrêmement intéressante, avec beaucoup de disques, bien plus que des disques officiels de Suicide. Et l'album, ce qui est intéressant à signaler, c'est qu'il va être signé sur le label Hype de l'époque. C'est The Record. The Record, c'est un label qu'on a déjà évoqué ici, puis il y a des chances qu'on y revienne. C'est ce fameux label cofondé par l'Américain Michael Zikla et le Français Michel Esteban. Et là, pour le peu, The Record est, à la fin des années 70, et encore plus en 1980 à pile poil, le label tutélaire de la No Wave new-yorkaise. Il y a déjà à l'heure actif Lizzie Mercier-Desclous, on en a parlé ici déjà, Lydia Lunch, elle aussi on l'a évoqué, ou encore James Chance ou James White, On the Contortion, qui pousse finalement les éructations et les bâtardisations, mais je dis ça dans un sens très très très positif, inaugurées par la No Wave à leur paroxysme finalement. Donc, Suicide se retrouve au milieu de ça cette année-là, c'est quasiment normal. C'est quasiment normal, mais là encore, c'est miraculeux. N'oublions pas que Suicide sont des losers magnifiques, et ils le restent, c'est ce qui les rend éternels, hein, d'ailleurs. Il se trouve que Suicide va ouvrir le bal à pas mal de groupes, et en allant au casse-pipe à chaque fois. J'évoquais la semaine dernière les ouvertures de concerts calamiteuses que pouvaient faire au CBGB Suicide pour les Ramones. Voilà, 1976, les Ramones, c'est du rock à toute berzingue, qu'on l'appelle punk ou quoi que ce soit, c'est finalement relativement traditionnel. Basse, batterie, guitare, chant. Donc c'est au milieu d'un public qui en veut que pour de la guitare, si vous voulez, avec une batterie bien martelée et super binaire. Si à la place de ça, vous leur mettez un chanteur triplé par une chambre d'écho, une boîte à rythme un peu sommaire et un orgue, ou même un synthétiseur, ça ne marche pas. Et de cesse, à cette époque-là, Suicide n'a cessé d'aller au casse-pipe sur des tournées à répétition. Et alors quand ça se passe dans un club comme le Mod Club, le CBGB à New York, devant 400 personnes, il se passe quand même une forme de confrontation que, en fait, Alan Vega a extrêmement aimé animer d'une certaine manière. Et les canettes qu'on puisse prendre sur la gueule, le groupe faisait partie de leur mythologie. Mais il y a un moment où le groupe Suicide va croiser un super groupe, mais un super groupe dans le sens un groupe qui remplit les stades. Et il s'agit des Cars, le fameux groupe de Rico Kasek. Les Cars sortent en 1978 un album qui est leur premier, un album parfait. Trois premiers titres qui sont des tubes certifiés, qui cartonnent dans toutes les radios FM, et qui cependant ne sont pas des trucs putassiers à la Eagles ou à la Linda Ronstadt, mais sont réellement des vrais morceaux de rock avec un son complètement nouveau qui redéfinit les standards de l'époque, un charisme incroyable et un leader finalement beaucoup plus discret et malin que la plupart des stars du rock à l'époque qui commencent à vieillir. Donc Suicide se retrouve à faire la première partie des concerts de Cars. Mais là, c'est plus dans des clubs de 400 personnes, c'est dans des stades de 4000 personnes. Martin Reff, en interview, parlera même d'un concert, je crois que c'était à LA, avec 18 000 personnes. 18 000 personnes. Et au fond de la scène, où j'imagine qu'il n'y avait pas des écrans géants à l'époque pour pouvoir retransmettre un petit peu les détails de ce qui pouvait se passer sur la scène, il y avait quand même un type avec un orgue et un autre au chant, et c'est tout. Voilà, autant le public des Ramones a conchié Suicide sur scène, alors autant le public des Cars dans les stades à Los Angeles, on était au-delà de tout. C'est-à-dire que là, ça a même failli dégénérer en acte très, très, très violent. Il y a eu notamment une destruction de matériel par des fans totalement débiles qui s'en étaient pris à l'orgue de Martin Rev sur une sortie de scène. Alors pourquoi j'insiste sur les Cars ? C'est parce que les Cars, et spécialement Rico Kasek, et le groupe Suicide, et spécialement Alan Vega, vont devenir des vrais copains. Et le copain, il est important pour cet album de 1980, puisque c'est lui qui le produit. Et il le produit totalement gracieusement. C'est un truc à signaler. Bon, les Cars, de toute façon, roulent sur l'or, c'est le cas de le dire, grâce à leur carton plein, et ils sont suffisamment malins pour gérer leur carrière très très longtemps. À noter que Rico Kasek est décédé il n'y a pas très longtemps, hein, c'était en 2019. On en parlait à peine, mais c'est quelqu'un qui a laissé des traces, hein, tant sous son nom propre que, bien sûr, avec les Cars et dans le cadre de ses productions généreuses et débonnaires, comme celle avec Suicide qu'on évoque aujourd'hui. Donc, la rencontre se passe bien et la production est fabuleuse. Production pour laquelle Suicide va travailler au Power Station Studio de New York. Power Station Studio, c'est la Rolls Royce des studios du moment. Alan Vega et Martin Rev vont travailler plusieurs jours dans un studio qui leur est dédié. Là où le premier album, ils l'avaient enregistré en 4 heures. Et voilà, le studio qui est voisin du leur, qui sait qu'il travaille à côté d'eux, c'est Diana Ross avec Neil Rogers quand même. Et pas très loin, il y a Bruce Springsteen, qui de fait va devenir un pote aussi à Alan Vega, mais c'est quasiment une autre histoire, je ne vais pas m'éterniser sur celle-là. Et tout ça se côtoie donc dans ces studios très très très très haut de gamme, où sont produits effectivement des stars, quoi. Des vrais de vrais, Diana Ross, quoi. Et puis Neil Rogers, avec ou sans Chic, avait travaillé quelques semaines auparavant avec les Sister Sledge. Donc on est dans les usines à tubes et le son très très haut de gamme du genre. Et ma foi, Suicide n'est pareil, pas trop là-dedans. Mais ils sont forcément empreints d'une humeur, 1980, quand bien même tout ça se passe en janvier 1980, au début de l'année, ils sont empreints d'une humeur new-yorkaise qui n'est plus celle de 1977. En 1980, New York danse. Le rocker blanc danse. C'est nouveau. Avant, il y avait les blacks et les latinos. Hein. Et puis bon, c'est les blacks et les latinos qui ont appris aux petits blancs à danser, ça c'est sûr. Et cette humeur-là se retrouve finalement exploitée, bon an, mal an, dans l'album de Suicide, ce deuxième, le LP2. L'anecdote est cocasse parce que Zikla, donc le co-fondateur, co-manager Michael Zikla de The Record, en fait, est épaté par un single qui sort avant. Si on a le temps, on l'écoutera en fin d'émission. Mais en fait, il rêve d'un producteur et d'un seul, et c'est pareil qu'au Cassec. Il rêve de Giorgio Moroder. Et Giorgio Moroder a explosé à la face du monde avec Donna Summer. I feel love. Et quelque part, tout le monde rêve de faire son I feel love à soi. Et Zikla, pouvant pas avoir Moroder, va faire un peu la pression sur Rico Cassec pour qu'il lui fasse un truc un peu Moroder. Voilà. Alors, faire le lien entre Moroder et cet album de Suicide, finalement, c'est pas si hasardeux que ça, parce qu'évidemment, on va voir que tout se traduit par des séquences et des basslines de synthé qui sont dûment maîtrisées. Quand bien même, elles ne sont pas forcément... Tout ça reste relativement cheap, finalement. Mais alors nettement moins que sur le premier album. D'où cette série de titres qu'on va découvrir et qui flirtent avec le disco. C'est extrêmement intéressant. Dès le titre d'ouverture, Diamond, Fur Coat, Champagne, on est dans un Suicide glamour, quoi. On pouvait danser dessus au Studio 54. Quand bien même, Alan Vega n'a probablement jamais pu rentrer au Studio 54. En tout cas, avant cet album-là. Peut-être que juste après, oui, finalement, ça a pu lui ouvrir quelques portes comme ça, un petit peu stylées. Mais bon, le caractère de Vega fait qu'on sait qu'ils s'en foutaient un petit peu de ça. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses alors qui restent les signatures propres du groupe. Hein. Il y a une ballade, ça s'appelle Sweetheart. Sweetheart. Tout est dit, n'est-ce pas? C'est un rappel, en fait, assez clair de la chanson Cherry, qui, elle, est aussi un des titres forts et mielleux du premier album. Mais alors, c'est un mielleux indus, quoi. C'est-à-dire que c'est un chaud-froid permanent. Et d'autres titres étonnants, Harlem. Harlem, c'est un des titres très, très forts du disque, un peu éructé, un peu... pas l'un des titres les plus faciles, mais c'est un des titres très forts que le groupe a joué sur scène et rejoué sur scène. Et on sent cette bouteille-là. Parce que quand bien même ils se sont pris des canettes, le duo Alan Vega et Martin Rev, en fait, c'est quand même des pros de la scène et ils savent maîtriser quasiment toutes les occasions. Mr. Ray aussi, qui est un titre clairement en écho aux années passées et qui rappelle peut-être le plus le premier album. Et de fait, c'est peut-être celui qui a le moins... sa place sur ce second album. Voilà. Et finalement, avant qu'on les découvre pas à pas, autant que je vous donne un peu quelques clés, en tout cas moi celles qui m'épatent, il y a clairement des chansons mélodiques, quoi, avec des gimmicks ultra accrocheurs fabuleux. La pièce Shadaz, morceau court, hein, qui doit durer 3 minutes 30, tout est au format un petit peu chanson, n'a pas de titre à rallonge comme Frankie Teardrop qui dure plus de 10 minutes, on est entre 3 et 4. Shadaz est un tube parfait, c'est un tube parfait, mais c'est un tube qui n'en a pas été un, encore et encore. Voilà, Bebop Kid aussi, hein, qui la joue dans un petit peu plus, un peu plus un tempo comme ça, un peu plus rock'n'roll, mais on est comme ça dans quelque chose qui est vraiment du proto Dutch Amerikanische Freundschaft, quoi. Voilà. Et bah, il se promet morceau, alors lui qui l'ouvre bien, et quand je disais que les morceaux faisaient tous entre 3 et 4 minutes, non, celui-là il est clairement à 7 minutes, et il dit à peu près tout. Diamond, Focus, Champagne. Bon bah bonne écoute pour tout ça, on se retrouve dans 40 minutes. Bop, bop, bop. standing around on the street looking for a hire. Saw this lady, she says, come over here, I got something for you. I'll get you up, I'll get you up. Oh yeah. There I was, flying high, feeling good. And all of a sudden, that dude comes over. He says, hey you. I said, me? I said, you. Goodbye. without you. You gotta come home to me. Or you gotta come home soon. Cool as ice, like a like a Baby, Eddie Coleman, the bebop kid. Losing the drive.

Let's dance. Alors, c'est pas celui de David Bowie, mais en même temps, les deux derniers titres de deuxième album de Suicide sont absolument parfaits. C'est-à-dire, Shalaz, qu'on entendait juste avant, qui est une ritournelle imparable, un vrai gimmick et finalement un tube de dance floor, et juste après son antinomique Dance, qui lui sonne comme un... est carrément le morceau le plus indus, finalement, du disque. Et il est entièrement porté par une électronique tourmentée et des triturations électriques finalement très très propres au dub. Hein. C'est le morceau où disparaît en quelque sorte Alan Vega, quand bien même il est overdubé et traité au mixage à satiété. Et là, on entend clairement, hein, c'est la patte de Martin Rev et de Rico Kasek, hein. Clairement marqué sur ce dernier morceau de l'album, mais à mon avis clairement marqué aussi sur l'ensemble de l'album. Et la beauté de cet album, plus je l'écoute, enfin jamais je m'en lasse la moindre seconde, c'est que à lui seul, il porte tout ce qui a été fait en musique électronique, mais aussi tout ce qui va se faire en musique électronique. Tout est absolument là. Et quant au dernier titre, Dance, qui sonne comme une confession, il est extraordinaire à plus d'un titre, puisque je mettais en avant un peu l'aspect sardonique, ce deuxième degré très incisif qu'il y a chez Suicide et qui est particulièrement mis en avant dans ce deuxième album. Alors là, le titre dit tout, parce qu'évidemment, on est dans le titre le plus indus, le plus tourmenté, et il s'appelle Dance, quoi. Or, le rapport de Suicide, et on va dire globalement d'Alan Vega avec la dance, c'est plus qu'ambigu. C'est moins qu'on puisse dire. La première fois que Suicide va voir son public danser sur sa musique, c'est avant cet album. C'est en 1978 à Edinburgh. Édimbourg, comme on dit en France. Donc Edinburgh, c'est l'Écosse, oui, je vous le rappelle. L'accueil de Suicide est différent en Europe qu'aux États-Unis. Et lors d'une première tournée, encore foireuse, mais peut-être quand même un petit peu moins que les autres, puisque là, Suicide ouvre le bal pour les Clash, il passe par un club de la ville, et sentant qu'on va aller encore au Clash, c'est le cas de le dire, et à la confrontation, comme ça s'est vu avant, avec les ouvertures des Cars, avec les ouvertures des Ramones, avant en Europe, l'ouverture de concerts pour Elvis Costello, sentant que le noir est fait dans la salle et sentant que ça va aussi péter, Alan Vega se rend compte qu'en fait, son public danse. Il est face à un dance floor en 1978. Et en fait, Alan Vega, il est complètement désappointé. Il est complètement désappointé. Il dira, mais merde, où est-ce qu'est la confrontation alors ? Voilà qui est intéressant. Petite conclusion, on va même en jouer d'une double conclusion. On a 10 minutes devant nous et on va pouvoir rattraper une injustice à ce deuxième album qui, bah, juste parce qu'il était un petit peu trop long, avait écarté un morceau que je trouve extrêmement savoureux qui s'appelle Super Subway Comedian. Et à lui tout seul, ce morceau, c'est une clé de l'album. C'est un morceau qui avait été composé dans le studio. Et c'est un titre ultra fun. C'est en fait l'antidote à Frankie Teardrop. C'est une chanson très très désinvolte, ultra parodique, dans laquelle Alan Vega chante mais improvise en fait plus ou moins un texte sur New York City, la ville la plus chouette du monde, la plus accueillante du monde. C'est une ville où tout le monde est cool, même les flics sont super sympas. All you got to do is to make the people laugh. Cette phrase est géniale. All you got to do is to make the people laugh. Tout ce que vous devez faire, c'est faire rire les gens. En fait, c'est du proto-Joker. C'est le Joker de Batman incarné dans Alan Vega. Voilà. Et donc, je milite pour faire admettre à tout le monde, mais maintenant tout le monde me croit, qu'Alan Vega est en fait la réincarnation d'Elvis Presley. Elvis Presley avait eu l'intelligence de se réincarner un tout petit peu avant de mourir dans Alan Vega. C'était bravo. Mais en fait, c'est une double réincarnation. C'est celle du Joker et d'Elvis Presley. Bah oui. Et pour vous en convaincre, bah justement, je vous propose de découvrir, parce que le morceau, lui, est assez rare. Bon, il a été réédité édité, pour le peu, grâce à la réédition qui est apparue à la fin des années 90 hein, du deuxième album. Alors, il était très augmenté, tant mieux. Et justement, on pouvait enfin y découvrir ce super Subway Comedian. Hein, comme nous le dit Alan Vega, « All you got to do is to make the people laugh. » Yeah, the other day, you know, as usual. Yeah, and one of the million people that just keep riding this subway system in New York City. Yeah, New York City, man. The most beautiful city in the world, man. Yeah. I'll tell you, man. Everybody here is, like, so free. Yeah, you could be anything you want. Yeah, man. I'll tell you something, man. Even the cops are cool here, man. Yeah, I tell you. But anyway, just to show you, man, the other day here, yeah, this guy gets on the train here, right, man? He bops into the fucking train car and he goes, yeah, I'm a comedian. Woo! Yeah. He says, man, hey, man, I'm the super subway rider, man. He's silly. Whoosh. Yeah. Yeah, now listen here, man. You can't get a job for doing this thing. You can't get a job for doing this thing. All he wants to do is make people laugh. Yeah. All he wants to do is make people laugh. New York City is so women. So he strikes at any time, day or night. Yeah, man, there he is running around all over the place, right, man? He's got everybody laughing, man. Yeah, right in the middle of all this bleakness, man. Yeah, there's this guy walking, hey, man, I'm a comedian. Whoa, yeah! And there's everybody going, wow, man, whoa! I'm the super subway rider now. Yeah. Yeah. Able to leave those tall turnstiles at one full lion bounce, man. Yeah. So there he is, riding around. Yeah, he rides the I-R-T-I-N-D. Yeah, he rides the I-R-T-I-N-D. Yeah, there he is, striking everywhere, man. Yeah, here he comes, man. Yeah, hey, watch out, man. You're gonna laugh, you're gonna smile, man. Yeah, here he comes. Woo! Super subway comedian. Subway comedian. Ciao. Whoa, here he comes. Yeah. Whoa. Yeah. Hey, basement, amen. Every day is the same thing, right? I know you don't want to smile, too cynical, right? But when this guy comes, man, watch out. You're gonna laugh. You're gonna laugh so hard, man. Then tears are gonna come down in your eyes. Yeah, you're gonna be double up, man. You're gonna never laugh so hard in your life. He's the super subway comedian. He's the super subway comedian. Oh, yeah, man. Oh. Yeah, and let me tell you something, man. This can only happen in New York City. The most beautiful, wonderful place in the world. The freest place in the world. Super Sideway Comedian. Titre longtemps inédit, hein, de Suicide. Je suis très très content qu'on l'entende là. Et je reste convaincu qu'effectivement, il manquait cruellement à l'album. Mais enfin, les efforts des rééditions, on en fait beaucoup par la suite. C'était leur chanson Beatles. J'aime beaucoup ce que disait Alan Vega à propos de cette chanson-là, justement. Super Sideway Comedian, c'était leur chanson Beatles. Et on veut bien le croire. La carrière de Suicide, par la suite, va être plutôt erratique, en fait. Voire au point mort, parfois, même si Alan Vega s'énervait particulièrement quand on lui disait que Suicide avait commis que deux albums et s'était arrêté. Bon, effectivement, c'est pas strictement faux, puisque le groupe réapparaît en 88, me semble-t-il, quelque chose comme ça, avec, je vais pouvoir retrouver la... Oui, c'est ça, c'est en 88, pile poil, pour un album qui s'appelle Way of Life. Il est en dessous, je vous l'avoue. 4 ans après, Why Be Blue. Et puis finalement, un saut de l'ange, une espèce de chant du cygne en 2002, American Supreme. Mais enfin, voilà, ça a fait que il y a eu 3 autres albums supplémentaires entre 1980 et puis la mort d'Alan Vega en 2016. C'est effectivement quand même pas mal de trous. Alors, trous qui ont été comblés par les carrières solo de l'un et l'autre. Hein. Celle de Martin Rev est toujours assez très confidentielle. Et à mon avis, un peu injustement. Mais celle d'Alan Vega était relativement flamboyante. Là encore, elle n'a jamais touché le succès. Mais elle a constamment ébloui, elle a constamment influencé. Et elle avait certes des hauts et des bas, mais il y a beaucoup d'albums d'Alan Vega qui sont remarquables. À commencer peut-être par, alors à mon avis, les deux, même les trois premiers, mais le troisième, justement, est produit par le copain qui était aux manettes de ce disque aujourd'hui, c'était Rico Cassac. C'est un excellent album aussi. Voilà. Il est probable d'ailleurs que dans les ondes de Cargo Cult, on revienne un jour, mais alors du coup, pas tout de suite, sur Alan Vega et sur les deux protagonistes de l'affaire. Voilà, voilà. Merci d'avoir été à l'écoute de ces deux volets sur deux des disques les plus importants du monde. Oui, j'ai pas peur d'en rajouter, mais je suis très content de savoir qu'il y a beaucoup d'auditeurs parmi vous qui partagent ça. On va partir avec le petit single de transition, justement, qui lui avait été signé sur Red Star. C'est le tout premier label sur lequel avait été édité le premier album de Suicide. Hein, rappel, 1977, mais vous le savez maintenant. Et puis, en 1979, Dream, Baby Dream, ce single qui, justement, va mettre la puce à l'oreille à Zikla et Esteban, donc les boss de The Record, et qui vont dire « il faut les récupérer, il y a un truc à faire ». Et qui auront donc cette idée géniale de convoquer Rico Cassac pour produire le disque que l'on sait, le disque qu'on vient d'écouter. Dream Baby Dream, encore un semi-classique entre deux eaux, comme toujours, mais finalement une vraie balade amoureuse pour partir doucement sur les ondes de ce Cargo Cult. Dream baby dream, dream baby dream, dream baby dream, keep that ring burning, baby. Keep that ring burning forever. Smile. Oh, baby. Oh.